Donc on va commencer, inshallah, bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 46 dans l'explication du livre de Sheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, Aqidatu Ahlus Sunnati wal Jama'ah, avec les explications de Sheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen. Et on est arrivé à la partie dans le livre où le Cheikh il dit « وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَأْتِي يَوْمَ الْمَعَادِ لِفَصْلِ بَيْنَ الْعِبَادِ » أو لِلْفَصْلِ بَيْنَ الْعِبَادِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى. Donc ça c'est le verset que le Cheikh il a cité par rapport à ça. La traduction de ce passage c'est: nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala, gloire et pureté à lui, viendra le jour de la résurrection pour être le juge suprême entre ses serviteurs, comme le prouvent ses paroles dans le verset, dans c'est Surat al-Fajr, les versets 21 à 23. Mais non, quand la terre sera complètement pulvérisée, que ton Seigneur viendra, ainsi que les anges, par rang, hein, rang par rang, et que ce jour-là, on amènera l'enfer, ce jour-là, l'homme se rappellera, mais à quoi lui servira de se souvenir. Donc, ces versets-là, c'est pour établir la preuve qu'au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va venir. Donc c'est qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-maji, hein, waja'a rabbuka, d'accord. Le cheikh Ibn Uthaymeen il explique ça. Il dit qawluhu wa nu'minu bi annahu subhanahu ya'ti yawm al-ma'ad lil fasl bayna al-'ibad, nu'minu bi dhalika wa nusaddiqu wa najzimu bihi wa ka'annana nushahiduhu ra'y al-'ayn, li anna Allah ta'ala akhbarana bi dhalik wa thiqatuna بما أخبر الله به أبلغ من ثقتنا بما نراه، لأن أعيننا قد ترى الساكن متحركا والمتحرك ساكنا والأبيض والأسود أبيض والعكس أو بالعكس، ولكن ما أخبر الله تعالى به فهو حق. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala dit: et nous croyons que Allah subhanahu wa ta'ala va venir au jour de la résurrection pour juger ou trancher entre ses serviteurs. C'est-à-dire, nous croyons et nous reconnaissons la véracité de ça et nous y croyons avec fermeté et avec conviction. Comme si nous le voyons, comme si on le voyait avec nos propres yeux. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit, nous a informé de ça. Et notre confiance en ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme information est plus forte encore que notre confiance en ce que nous voyons. Et le cheikh il dit parce que nos yeux parfois peuvent nous jouer des tours. Des fois on peut voir quelque chose qui est immobile, on le voit comme si ça bouge, et des choses qui bougent on le voit comme si elles sont immobiles, et on peut voir des choses noires on les voit blanches, et des choses blanches on les voit noires, wa alaykoum salam wa rahmatullah, et ainsi de suite. Et donc tandis que ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne comme information, ça, on sait que c'est la vérité. Il n'y a pas d'ambiguïté ou d'erreur là-dedans. Et le cheikh dit wa qawluhu wa ya'ti yawm al-ma'ad. Ya'ti yawm al-ma'ad lil fasli, hein, bayn al-ibad. Donc les deux termes qui sont employés dans la sunna, hein, yani ya'ti, donc al-itiyan, l'attribut de al-itiyan, et al-maji, wa ja'a rabbuka. Donc al-maji wa al-itiyan, les deux c'est dans le sens de venir. Et la preuve de ça, le cheikh il dit wa dalilu ala hadhihi as-sifa qawluhu ta'ala kalla idha dukkati al-ardu dakkan dakka wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa tudakku hatta la yabqa 'alayha hajar wala jibal wala awdiyah, qala ta'ala fayadharuha qa'an safsafan la tara fiha 'iwajan. Voilà, amta. Donc le cheikh il explique que donc Allah, hein, il va venir au jour de la résurrection pour trancher entre ses serviteurs. Et la preuve de cet attribut qu'il va venir au jour de la résurrection, c'est dans les versets 21 à 22, qui sont 23, qui sont cités dans Surat al-Fajr. Et il dit ici, non, lorsque la terre sera pulvérisée et que ton Seigneur viendra avec, et les, ainsi que les anges, rang par rang. Et le cheikh explique que la terre, elle va être pulvérisée. Ça veut dire qu'elle va être yani, aplanie complètement et écrasée, et même qu'il n'y aura plus de montagnes ni de vallées. Donc tout ça va être un terrain plat. Et il mentionne à ce sujet-là les versets dans Surat Taha, 106 et 107. On va voir la traduction de ces versets. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ces deux versets, et laissera comme une plaine, hein, et il t'interroge au sujet des montagnes, dit mon Seigneur les dissipera comme la poussière, et il les laissera comme une plaine dénudée dans laquelle tu ne verras ni tortuosité ni dépression, hein. Donc ça veut dire que la terre va être complètement aplanie. Il n'y aura plus de montagnes, il n'y aura plus de, de vallées ou des choses de ce genre. Tout va être plat. Et le cheikh il dit وَقَوْلُهُ كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكَّا دَكَّا هَلِ الْمُرَادُ التَّأْكِيدُ فِي دَكَّا دَكَّا أَوْ الْمُرَادُ دَكَّا يعني بعد دَكٍّ الجواب فيه احتمالان أن يكون المراد التوكيد أو أنه دك ثم دك آخر أشد منه. Donc on pose la question au cheikh, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit non, lorsque la terre sera pulvérisée, en arabe c'est écrit dakkan dakka, et parfois on répète parfois le verbe en arabe ou bien le terme qui est mentionné deux fois pour rajouter de la force ou rajouter de l'intensité à l'action ou à la chose qui se produit. Et donc ici la question était posée au cheikh, est-ce que ici c'est pour dire qu'on veut confirmer le sens, ou est-ce que c'est parce que on veut mentionner que il y aura plusieurs secousses ou plusieurs pulvérisations une après l'autre. Et le cheikh il répond en disant que il est possible que ce soit les deux choses ensemble, que ce soit pour confirmer et rajouter de l'intensité ou de la certitude, donc pour tawkid, comme on dit, pour confirmer la chose, ou bien que ce soit pour mentionner qu'il y en aura plusieurs successives, plusieurs pulvérisations successives, et une qui sera plus intense que l'autre. Ensuite, le cheikh il explique la suite du verset, il dit وَقَوْلُهُ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا أي بعد دك الأرض والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه والمراد بقوله وجاء ربك أي على ظاهره والقاعدة أننا نؤمن بالنصوص على ظاهرها ونقول فنقول جاء ربك أي جاء الله نفسه حقيقة لأن الله أضافه إلى نفسه فعلينا أن نضيفه إلى الله عز وجل. Donc le cheikh ici il dit ensuite, et Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset, et ton Seigneur viendra, hein, ainsi que les anges rang par rang. Et le cheikh explique que après que Allah ait pulvérisé la terre, et ici il s'adresse au messager sallallahu alayhi wa sallam et à tous ceux à qui le discours s'adresse et tous ceux qui entendent le discours. Et le cheikh il dit ensuite, qu'est-ce qu'on veut dire par « et ton Seigneur viendra », c'est-à-dire qu'on doit le prendre dans son sens apparent, dans son sens réel. Et la règle dans la religion à propos des noms et des attributs d'Allah, c'est que nous devons croire aux textes dans leur sens apparent. Et donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit « et ton Seigneur vient », c'est-à-dire yani, qu'il vient lui-même, réellement, et qu'on attribue cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, puisque Allah il l'a attribué à lui-même en disant Waja Rabbuka, donc c'est, hein, on doit croire que c'est une attribut qui est attribuée à Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Et donc il dit ensuite wal malaku al muradu al jins fa yashmalu jami' al malaika لأن الذي ورد أن الملائكة أن ملائكة السماء تنزل فتحيط بالخلق ثم ملائكة السماء الثانية تحيط بالجميع ثم الثالثة وكلما اتسعت الدائرة كان العدد أكثر وهكذا السماوات فأهل السماء الثانية والثالثة أكثر من الثانية وهل مجرة وذلك لأن السماوات كلما ارتفعت اتسعت. Donc le cheikh il dit, et les anges, on parle de l'espèce ou de la catégorie des anges, donc ça comprend tous les anges sans exception, parce que qu'est-ce qui a été mentionné, c'est que les anges vont descendre par rangée, et ils vont s'organiser par rang et ils vont entourer la création. Donc les anges du premier ciel et les anges du deuxième ciel, ils vont se mettre en rang autour de la création, puis vont descendre les anges du troisième ciel et ils vont se mettre en rang autour de la création, et ainsi de suite. Et il dit que les anges du troisième ciel par exemple sont plus nombreux que les anges du deuxième ciel, parce que plus on s'éloigne ou plus on monte dans les cieux, parce qu'on sait qu'il y a sept cieux. Donc plus on monte dans les cieux, plus c'est vaste. Plus c'est vaste. Et le cheikh il dit saffan saffa halun min al-malak ay al-mala'ikatu ta'ti sufufan sufufan ahlu as-sama'i ad-dunya thumma ath-thaniya thumma ath-thalitha wa akada fatakun as-sufuf sab'a. Donc le cheikh il dit les anges vont venir se mettre en rang. Donc, il dit que ça c'est pour décrire l'état des anges lorsqu'ils vont venir au jour de la résurrection. Ils vont se placer en rang derrière des rangs derrière les autres, c'est-à-dire des rangs après d'autres. Et les gens du ciel de la dunya, les anges du premier ciel, ils vont se mettre en rang comme on a dit tout à l'heure. Puis après le deuxième ciel, ceux du troisième ciel, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça forme cette rangée qui sont autour de la création. Et le cheikh il dit ensuite qawluhu waji'a yawma idhin bi jahannam ay ji'a bin nar yuja'u biha tuqadu bi 70 alf zimam a'adhani Allah wa iyyakum minha kullu zimamin yaquduhu 70 alf malak wa fihi dalilun 'ala quwwati al-mala'ika ولا يعلم مدى قوتهم إلا الله عز وجل فيؤتى بها وحينئذ تفر القلوب والنار تطلع على الأفئدة فتصل إلى قاع القلب من هيبتها وخوفها يعني وكل إنسان يخاف لأن الإنسان لا يعرف مصيره لأنه حتى الآن لم يتبين الأمر. Donc le cheikh il explique la situation quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ, et on fera venir ce jour-là l'enfer. Et le cheikh il explique, comme c'est mentionné dans les hadiths, la description de la façon dont l'enfer est amené à ce jour-là. Et donc le cheikh il dit on va amener l'enfer, on va faire venir l'enfer. Et elle va être tirée par 70 cordes. 70 000. 70 000 cordes qui tirent l'enfer. Que Allah nous en préserve ainsi que vous-même. Nous préserve de l'enfer ainsi que vous-même. Et il dit chacune de ces cordes par lesquelles on tire l'enfer, il y a 70 000 anges qui tirent. Pour chaque corde, de 70 000 cordes, à chacune de ces cordes, il y a 70 000 anges qui tirent sur une corde. Subhanallah. Donc le cheikh il dit ça, c'est pour montrer. Oui, c'est ça. Kullu zimam yaquduhu 70 alf malak. Donc c'est soit que 70 000 anges qui tirent sur les 70 000 cordes, ou bien sur chaque corde, 70 000 anges, d'après ce que je comprends, c'est ça. Kullu zimam yaquduhu sab'una alf malak. Donc ça, le cheikh dit ça, ça montre la force des anges, et on voit à quel point il dit personne ne peut savoir leur force excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va donc les amener l'enfer de cette manière, et au moment où l'enfer va être amené ce jour-là, les cœurs vont vouloir fuir, hein, à cause de la peur, et l'enfer va pénétrer jusque dans les cœurs, hein, la peur, avec la peur qu'ils vont avoir lorsqu'ils vont voir l'enfer, la peur et la crainte qu'ils vont avoir, parce que jusqu'à ce moment-là, personne ne sait exactement quelle sera sa destination. Alors, les choses ne sont pas encore clarifiées, le jugement n'a pas été encore déterminé. Et le cheikh, il explique ensuite la suite du verset, « يَوْمَ إِذِي يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى » أي لا تنفعه التذكر ذلك اليوم ولذلك قال وأن له الذكرى يعني ما أبعد الذكرى له فالذكرى تنفع في الدنيا قبل حلول الأجل ولكن بعد حلول الأجل لا ذكرى لكن يتذكر الإنسان يوم القيامة فيقول صدق الله ورسوله هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ولكن لا تنفع حينئذ. Donc le cheikh il dit, et ce jour l'homme va se rappeler, mais à quoi va lui servir de se souvenir ce jour-là? Yani le rappel ce jour-là ne lui servira à rien, parce que c'était dans la vie d'ici-bas qu'il fallait qu'il se souvienne et qu'il se rappelle pour qu'il puisse faire quelque chose de bien. Mais une fois que la vie est terminée, il est trop tard maintenant pour faire quelque chose. Mais au jour de la résurrection, l'être humain va se souvenir et il va dire « Allah avait dit vrai » ainsi que son messager. Hein? Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 52 dans sourate Yassin, « Hada ma wa'ad al-Rahman » voici ce que le tout miséricordieux avait promis, « wa sadaqa al-mursaloon » et les messagers avaient été véridiques, avaient dit vrai. Mais, bien entendu, le fait de se rappeler de cette façon au jour de la résurrection, ça ne servira à rien si la personne ne s'était pas souvenue auparavant. Et le cheikh il dit ensuite, ففي هذه الآيات إثبات مجيء الله عز وجل حقا وكما قلنا قبل قليل نقوله وسنقوله إلى أن نلقى الله عز وجل إن كل ما أضافه الله إلى نفسه فهو ثابت له لا لغيره ويجيء على وجه يليق بجلاله وعظمته ولا نعرف عن كيفيته شيئا. Donc le cheikh il dit dans ces versets là, on voit que il y a l'affirmation du fait que Allah subhanahu wa ta'ala va venir réellement au jour de la résurrection, comme nous l'avons dit déjà précédemment et nous le répétons et nous allons continuer à le dire jusqu'à ce que nous rencontrions Allah subhanahu wa ta'ala, que tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué à lui-même, alors c'est quelque chose qui est affirmé et que nous devons l'a affirmé à lui et non à personne d'autre. C'est-à-dire que il faut accepter ce que Allah a dit, comment il s'est décrit lui-même et qu'est-ce qu'il s'est attribué à lui-même. Et il va venir au jour de la résurrection d'une façon qui convient à sa majesté, d'une façon qui convient à sa grandeur. Et nous ne savons pas le comment. Nous ne savons pas le comment de sa venue au jour de la résurrection. Donc nous devons dire, Allah va venir, mais si on te demande, mais comment il va venir, de quelle façon il va venir, on n'a pas le droit de poser cette question-là. Parce que le comment, personne ne peut le savoir, personne ne doit essayer même de l'imaginer. Allah subhanahu wa ta'ala, il est tel qu'il s'est décrit lui-même, mais on n'est pas capable de le comprendre ou de l'imaginer, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a rien qui lui ressemble. « Laysa kamithlihi shay'un » Et donc le cheikh il dit ensuite, وَهَلْ يَجِئُ بِسُرْعَةٍ أَوْ بِبُطْءٍ نَقُولُ لَا نَدْرِي وَلَكِنْ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ نَعْرِفُ كَيْفَ يَجِي كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ مَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً وَلَكِنْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَمْ يَذْكُرْ هَرْوَلَةً أَوْ مَشْيًا فَلَا نَعْرِفُ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ يَأْتِي. Donc le cheikh il dit, et est-ce qu'il va venir rapidement ou lentement? Le cheikh il dit, on sait pas. Hein? Parce que dans certaines situations ou dans certains cas, il a mentionné comment il venait. Comme par exemple dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira radiyallahu anhu, dans lequel il dit, celui qui vient vers moi marchant, je viendrai vers lui en courant. Et au jour de la résurrection, il n'a pas mentionné comment il allait venir. Est-ce que c'est en marchant ou en courant? Il n'a pas dit. Alors nous ne devons pas essayer de d'imaginer ou de poser le comment à ce sujet-là. Hein? On ne sait pas de quelle façon il va venir, mais on doit juste l'affirmer. وكذلك الملائكة تجي ولكن لا نعلم كيف تجي وإنما نعرف أنها تأتي صفا صفا لأن هذه أمور غيبية لا تدرك العقول لا تدركها العقول ولا يدخل فيها القياس فعلينا أن نؤمن بها كما جاءت فعلينا أن نؤمن بها كما جاءت نقول هذا نقول هذا ما قال الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلينا أن نصدق ونتأدب مع الله ولا نتكلم بما لم نكلف به. Donc le cheikh il dit que c'est ainsi que les anges vont venir, les anges vont venir au jour de la résurrection aussi, mais on ne sait pas réellement comment ils vont venir aussi. La seule chose qu'on sait, c'est qu'ils vont venir et ils vont se placer en rang, rang par rang, saffan saffa. Et le cheikh il dit, on ne peut pas saisir ces choses-là par notre logique ou par notre raison, parce que ce sont des choses qui font partie de l'invisible, ce sont des choses qui font partie du ghaib, et que les analogies ne peuvent pas rentrer dans ça non plus. C'est-à-dire que une analogie, c'est lorsque tu compares deux choses ensemble. Tu compares deux choses, une par rapport à l'autre. C'est ça une analogie. Mais tu ne peux pas faire d'analogie avec ce qui a rapport avec l'inconnu ou l'invisible, ou l'au-delà, ou les choses du ghaib, les choses du monde de l'invisible. Parce que ce n'est pas des choses que tu peux imaginer puisque tu ne les as jamais vues. Tu sais pas de comment elles sont, donc tu ne peux pas même faire d'analogie pour essayer de les comprendre. Et il dit, nous devons donc croire en ce qui a été mentionné dans les textes à propos d'Allah, à propos du Ghaib, tel que les textes ont été rapportés, sans essayer de chercher à les imaginer ou à les comprendre, ou à dire le comment, demander le comment. On doit juste les accepter comme ils sont, et on dit, voici ce que Allah a dit, voici ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, et la seule chose que nous devons faire, c'est de reconnaître que c'est vrai et d'avoir un bon comportement et une bonne manière avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de se comporter avec respect envers Allah et envers ses noms et ses attributs et envers sa révélation. Et on n'a pas à parler de ce que Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas chargé de parler. On n'a pas à rentrer dans des sujets ou des discussions sur des choses que Allah ne nous a pas ordonné et nous a pas chargé de parler de ces choses-là. Ensuite le cheikh il dit, ensuite le cheikh il dit, انظر الى الصحابه رضي الله عنهم والله ما نحن اشد منهم حبا للعلم ولا اشد تعظيما لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يقولوا للرسول صلى الله عليه وسلم اذا حدث بشيء عن هذا فلا يسالون عن كيفيته ولم يقولوا ان هذه تستبعدها عقولنا فلا نصدق بها بل يقولون سمعنا واطعنا. Donc le cheikh il dit, regarde les sahaba radiyallahu anhum, par Allah, nous ne sommes pas, nous n'avons pas plus d'amour de la science que eux. Eux, ils aimaient la science plus que nous. Et non plus, on n'a pas plus de respect pour Allah et son messager que eux. Eux, ils respectaient Allah et son messager plus que nous. Et malgré ça, ils n'ont jamais dit au messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mentionné quelque chose à propos d'Allah et de ses noms et de ses attributs, ils n'ont jamais dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dis-nous comment, hein? Comment Allah va venir? Comment Allah s'est élevé sur le trône? Comment Allah descend au dernier tiers de la nuit? Ils n'ont jamais posé ces questions-là. Et ils n'ont jamais dit non plus, ces choses-là ne font pas partie des choses que notre logique est capable d'accepter, ou que c'est des choses qui ne sont pas acceptables rationnellement. Jamais, ils n'ont jamais dit ça. Et ils n'ont jamais renié ou refusé de croire en quoi que ce soit de ce que Allah et son messager ont mentionné à propos d'Allah et de son messager. Donc, la seule chose que nous devons faire, c'est, comme les sahaba l'ont fait, de dire « Sami'na wa ata'na ». Nous entendons et nous obéissons. والآن لو تقرأ مثل هذه الآيات والأحاديث عند عجوز من الناس لوجدت أنها ترتعد من خشية الله وتؤمن أن هذا حق وأن الله يجيء حقا ولهذا صرح كثير من كبار المتكلمين أنهم يتمنون أن يموتوا على دين العجائز لأنهم عرفوا أنهم يسيرون تائهين فيما يسيرون به مما يدعونه عقلا وأن السلامة يرحمك الله وأن السلامة هي التصديق دون التعرض لأي شيء ثم لو كانت عقولنا تدرك ما في هذه الآيات وغيرها من الحقائق لبينه الله لنا ولكن برحمته أخفاه عنا حتى نكون مذعنين تماما للخبر ولو كان الإنسان لا يصدق بالخبر إلا ما أدركه عقله لكان الحق تابعا للأهواء قال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل آتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. Donc le cheikh il dit, et quand tu regardes la plupart des gens de kalam, parmi les grands philosophes ou les mutakallimin, ceux qui parlaient d'Allah et de son messager sans se référer au texte de la révélation, mais plutôt en se référant aux paroles des philosophes et aux gens qui se basent sur ce qu'ils prétendent être la logique ou leur raison, et bien ces gens là au moment de la mort, beaucoup d'entre eux sont dans les doutes, hein, et dans l'hésitation par rapport à leurs croyances. Et certains d'entre eux ont exprimé explicitement qu'ils auraient préféré mourir sur la croyance des vieux, des personnes âgées qui n'ont pas étudié la science du kalam, la philosophie, hein. Ils me disent, j'aurais préféré ne pas étudier la philosophie et mourir sur la même croyance que n'importe quel parmi les musulmans du commun, hein, parmi les personnes âgées qui croient en ce que Allah a dit dans sa révélation, le Coran et la Sunna, sans rentrer dans la philosophie. Hein? Donc ils ont des remords à ce moment-là. Et comme certains même d'entre eux, je crois que c'est un d'entre eux comme Al-Ghazali, qui disait « Ashaddu an-nasi shakkan 'inda al-maut ahlul kalam. » Hein? Ahlul kalam. Les gens qui ont le plus de doutes au moment de la mort, ce sont les gens qui ont recours justement à la philosophie pour essayer de connaître la religion ou comprendre Allah ou des choses de ce genre, hein? Donc le cheikh il dit, parce qu'ils ont su que ces gens là ils marchent dans l'errance, hein? Ils errent sans guidance, hein? Par rapport à ce qu'ils prétendent suivre de la science et de la logique, il dit en réalité ces gens là ils sont dans l'errance, c'est-à-dire ils sont égarés et perdus. Ils ne savent pas vraiment où est-ce qu'elle est la vérité. Et ils prétendent suivre la logique, alors que c'est des gens qui suivent leur passion. Et le cheikh, il dit, la seule voie qui peut offrir à quelqu'un, hein, d'être en sécurité dans sa croyance et en paix dans sa croyance, c'est de croire sans s'objecter à tout ce que Allah a révélé dans la révélation, même si dans ton esprit ou dans ta logique, tu n'arrives pas à comprendre ou à saisir ce que Allah a mentionné. Mais tu dois y croire par rapport au fait que ça vient d'Allah et que ce sont des réalités que Allah a révélées. Et par sa miséricorde, Allah subhanahu wa ta'ala nous a caché certaines de ces réalités-là, mais du fait que nous sommes croyants, nous devons nous y soumettre de façon absolue et complète. Nous nous soumettons à tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Et si quelqu'un disait, non, moi je crois seulement en ce que ma raison ou ma logique a accepté de ce que Allah a dit, ou de ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, eh bien dans ce cas-là, ça voudrait dire que la vérité doit être en accord avec ses passions. Sinon, il ne veut pas l'accepter. Et il y a beaucoup de gens parmi les égarés, malheureusement, qui comprennent la religion comme ça. Ils prennent uniquement de la religion qu'est-ce qu'ils peuvent accepter rationnellement selon leur logique à eux. Et comme certains ulama ont mentionné à ce sujet-là, ces gens-là, ils n'ont pas besoin d'un messager ou d'un prophète. C'est comme s'ils disaient « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna aqli rasulullah ». C'est comme s'ils disaient « Je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que ma logique est le messager d'Allah ou que ma raison est le messager d'Allah ». Ils ne croient pas au messager d'Allah, ils croient en sa logique. Il croit en sa raison, alors que sa raison, elle peut être incorrecte. Sa raison, elle peut être fausse. Elle peut être détournée de la vérité par les passions et par toutes sortes d'autres choses et par des erreurs. Tandis que la révélation, tu sais que c'est quelque chose qui est préservé et protégé. Et donc le cheikh, il cite le verset 71 dans Surat al-Mu'minun, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et si la vérité devait suivre leurs passions, les cieux et la terre seraient certes corrompus. Les cieux et la terre et ce qu'il y a à l'intérieur devraient certainement être corrompus. Si la vérité devait suivre les passions des hommes, c'est sûr que les cieux et la terre et tout ce qu'il y a à l'intérieur devaient être corrompus. Il dit, et nous leur avons. Barakallahu fik, je te remercie, akhi. Jazakallahu khairan, mashallah. Et donc, il dit, mais nous leur avons ramené leur rappel, mais de leur rappel, ils se détournent. Le cheikh, il dit ensuite, فَأَرْجُوا أَنْ يُبَصِّرَ النَّاسِ بِهَذِهِ الْأُمُورِ لِأَنَّ أُمُورَ الْغَيْبِ لَيْسَ فِيهَا قِيَاسٍ وَكَذَلِكَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَارِي لَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَاسَ بِخَلْقِهِ أَبَدًا آمِنُوا بِهَذَا فمثلا جهنم يؤتى بها تقاد بسبعين ألف زمام فهل نحن الآن نعرف هذه الأزمة هل نعرف غلاظتها وقوتها والجواب لا فقد يكون الزمام أغلظ من ألف متر فلا ندري ولكن نؤمن بأنها تقاد بأزمة يقول وكل زمام ليس يقودها واحد بل سبعون ألف ملك. Donc le cheikh il dit, et j'espère que les gens commencent à comprendre comme il faut ces choses-là, parce que les choses qui ont rapport avec l'invisible, le ghaib, on peut pas utiliser des analogies là-dedans. On ne peut pas faire des comparaisons rationnelles pour essayer de les comprendre, parce que ce sont des choses qui font partie d'une autre réalité, d'un autre monde. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et Allah, il nous mentionne des choses qu'il y a après la mort, c'est juste il nous donne des exemples de qu'est-ce qu'il y a par rapport à des choses qu'on peut comprendre, mais la réalité des choses, comment elles seront dans l'au-delà, on ne peut pas réellement les connaître. Correctement au 100%, parce que c'est une autre réalité, un autre monde. Et comme le cheikh il explique ici, il dit par exemple l'enfer, elle va être tirée par 70 000 anges aux eaux de la résurrection par des cordes. Il y a 70 000 cordes et 70 000 anges. Tu fais le calcul, ça veut dire quoi? C'est comme si tu faisais 70 000 fois 70 000. Je ne peux même pas lire ce chiffre, mais hein, il y a comme peut-être 9 zéros avant le 4. Hein? Il y a 4, 9, puis après, il y a 6, 7, 8, 8 zéros. 8 zéros, ça c'est le nombre d'anges qui vont tirer l'enfer. Hein? Ça c'est des milliards, je ne sais même pas si c'est des... Hein? C'est des billiards. Ça, ça veut dire le nombre d'anges qui vont tirer l'enfer. Hein? On ne peut pas imaginer ça. Et même le cheikh, il dit, est-ce que tu peux calculer yani, la longueur de ces cordes? La longueur de l'épaisseur aussi, la solidité, est-ce qu'elles sont épaisses, est-ce qu'elles sont de quelle épaisseur, tout ça on ne le sait pas. Hein? De combien de mètres, on ne le sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'elle sera tirée l'enfer par ses cordes. Et pour chacune des cordes, ce n'est pas un ange qui tire, mais c'est 70 000 anges. Donc 70 000 fois 70, tu fais 70 000 cordes fois 70 000 anges. Hein? Ça te donne le nombre qu'on a vu là, des billiards. Allah al-Musta'an. Donc c'est immense. C'est immense l'enfer. Vous savez que le soleil rentre dans l'enfer. La lune rentre dans l'enfer aussi. Parce qu'ils ont été adorés. Hein? Et ceux qui adoraient le soleil, ils vont suivre le soleil dans l'enfer. Ceux qui adoraient la lune, ils vont suivre la lune dans l'enfer. C'est mentionné dans la sunna. Donc si l'enfer peut prendre le soleil à l'intérieur, ça veut dire que l'enfer, il est immense. Hein? Après, le cheikh, il dit, وَقَدْ يَقُولُ قَائِلٌ كَيْفَ يُؤْتَى بِهَا إِلَى الْأَرْضِ وَهِيَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ نَقُولُ أَمِنْ بِهَذَا أَمِنْ بِهَذَا فَصَدِّقْ أَوَّلًا وَإِذَا صَدَّقْتَ سَهُلَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ أَمَّا إِذَا تَعْرِضْ النُّصُوصَ عَلَى عَقْلِكَ إِنْ أَقَرَّهَا صَدَقْتَ وإلا أولت أو كذبت فهذا ليس بصحيح فأنت لست عبدا لله بل عبد لهواك ولا قياس في أمور الغيب. Le cheikh dit, si quelqu'un pose la question, comment on peut amener l'enfer vers la terre alors qu'elle est dans cette description là, l'enfer, comment on pourra l'amener vers la terre alors que l'enfer est immense comme ça? Et Subhanallah, le cheikh il répond, il dit, crois en ça premièrement. Crois en ça premièrement. Après, une fois que tu y as cru, ça va devenir facile pour toi de l'accepter. Mais si tu commences à t'objecter au texte de la révélation en te basant sur ta logique, hein, il dit, si tu crois quelque chose, hein, si ta raison elle l'accepte pas, tu le rejettes. Ou bien qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu essaies de déformer ou de l'interpréter d'une autre façon ou de le nier. Ça c'est de l'égarement. Ça c'est pas correct. Le cheikh il dit donc tu n'es pas un serviteur d'Allah dans ce cas-là. Tu es un serviteur, tu suis ta passion, tu es un serviteur de ta passion. Hein? Donc il n'y a pas d'analogie à faire par rapport aux affaires de l'au-delà. Il n'y a pas d'analogie à faire par rapport aux affaires de l'au-delà. Hein? C'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, dans le paradis, on mange, hein, on mange, mais on mange juste par plaisir. Et on n'a pas besoin d'aller faire nos besoins. Hein, on n'a pas besoin de faire nos besoins. Pourquoi? Parce que dans le paradis, il n'y en a pas ça. D'après ce que les ulama ont expliqué par rapport à ça, ça va sortir de notre peau comme du parfum, hein, tout ce qu'on mange. Je me rappelle plus exactement où j'ai lu ça, mais c'est mentionné, je pense, dans la sunna. Donc, pour dire que on peut pas comparer les choses de cette vie d'ici-bas avec les choses de l'au-delà. C'est une autre réalité, c'est pas pareil, hein? C'est différent. La vie qu'on est en train de vivre maintenant, beaucoup de gens Il y en a parmi les gens, ils ne croient pas en Allah ou ils ne reconnaissent pas, ils ne veulent pas reconnaître la vérité de croire en Allah ou de croire en l'au-delà. Et, mais pourtant, quand quelqu'un est sincère et véridique et qu'il sait, par exemple, que Allah subhanahu wa ta'ala existe et qu'il a accepté la vérité et qu'il réfléchit sur la réalité de la vie, hein, surtout quand il commence à prendre de l'âge, et puis il commence à voir que ses forces commencent à diminuer, hein, sa santé elle commence à baisser, sa force commence à diminuer, il réalise que la vie d'ici-bas c'est pas éternel, il y a une fin, il y a une limite. Mais quand tu vois ça, tu dis subhanallah, yani, ça veut dire qu'on n'a pas été créé pour vivre éternellement dans ce monde. Et même si on vivait très très longtemps, mais si on vit très longtemps mais qu'on est malade, puis qu'on est fatigué, puis qu'on est qu'on souffre, ça c'est pas une vie qui est intéressante. L'être humain, qu'est-ce qu'il veut? Il veut vivre une vie longue, mais en bonne santé, puis en bonne forme, avec la force et ses capacités. Hein? Donc, c'est là que tu vois que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la vie de cette façon pour une sagesse. Pour que les êtres humains puissent réaliser qu'ils ne sont pas là dans ce monde pour être là pour l'éternité. Il y a une fin. Mais il y a une autre chose qui est après. Hein? Et que si tu crois en ça, eh bien là, ça te donne de l'espoir. Ça te donne de l'espoir pour la réalité d'une autre vie meilleure après la mort. Et que à ce moment-là, tu vas pouvoir vraiment profiter et t'épanouir de tous les plaisirs et de tout le bien que tu souhaiterais posséder. Parce que cette vie-là sera faite vraiment pour être éternelle. Tandis que cette vie dans cette vie d'ici-bas, même si tu vis longtemps, tu ne vas pas jouir à 100% de tout. Hein? Il y a toujours une limite. Ça y est. Même, c'est vrai. Tu vas, même si tu dis par exemple, si t'as de l'argent, bon, ça c'est une chose, mais si t'as pas d'argent, on va dire que t'as pas d'argent, tu souhaites en avoir, tu souhaites en acquérir et en gagner. Supposons que tu réussis à avoir beaucoup d'argent, des millions, hein, qu'est-ce que tu vas faire avec ton argent? Tu vas acheter des avions, tu vas acheter des choses, hein, comme celui, tu disais là, il avait des avions, il a besoin, bon, les avions, il a besoin toujours de réparation, donc il faut acheter des pièces. Donc, quand tu vas acheter des pièces pour cet avion-là, yani, peut-être tu vas dépenser tout ton argent juste pour... Ben, pas tout ton argent, mais des grosses sommes d'argent pour réparer. Yani. Je ne sais pas combien ça coûte cette pièce-là dans l'avion, mais j'imagine que ça doit coûter cher. Donc, c'est pour dire... Et après que tu meurs, tout cet argent que tu possédais, tu ne l'amènes pas avec toi. Tu ne l'amènes pas avec toi dans ta tombe. Hein? Les pharaons ont dit que, ou même les empereurs chinois dans le passé, quand ils mouraient, ils mettaient dans leur tombe avec eux plein de leurs richesses, et ils mettaient avec eux dans leur tombe même des fois de leurs servants, hein? Leurs servants, là, ceux qui travaillaient pour eux dans la vie, ils les tuaient, puis ils les mettaient même des fois vivants même dans la tombe avec l'empereur. Hein? C'est pour ça que quand ils déterraient les tombeaux de ces empereurs-là, ils ont trouvé avec eux plein de gens morts autour d'eux comme ça, parce qu'ils enterraient avec eux leurs servants. Comme ça, ils disaient que dans l'au-delà, comme c'est quand ils vont mourir, dans l'autre monde, il y aura des servants qui vont s'en occuper d'eux, puis leur richesse va être avec eux aussi. Alors qu'en réalité, non. Tout ça, là, même s'ils le mettent dans la terre, ça ne va pas leur servir. Et c'est plutôt des gens qui vont venir par la suite déterrer ces trésors-là, puis les utiliser ou s'enrichir avec. La même chose pour les richesses de quelqu'un. C'est pas lui qui va jouer de cet argent-là après sa mort. C'est ses héritiers, ses enfants, ses petits-enfants et les autres. Et peut-être même que ses enfants vont s'entretuer entre eux ou se battre entre eux pour avoir cet héritage-là, qui va prendre quoi, hein, et des choses de ce genre. Ça, c'est des choses qui arrivent à chaque fois quand quelqu'un il a beaucoup d'argent et qu'il meurt. Hein, les héritiers, ils se font toujours la guerre. Et dernièrement, on a vu même qu'est-ce qui se passe dans certaines familles, et dans le monde, quand des familles, des gens qui sont très très très riches, quand ils meurent, hein, qu'est-ce qui arrive avec ça? Ça veut dire que tout ce que tu fais dans cette vie d'ici-bas, il y a une fin. Et ça, ça prouve une chose, c'est que le but de notre vie sur terre, c'est pas d'être, de vivre éternellement. Donc il doit y avoir absolument quelque chose après, hein, quelque chose après la mort. Et c'est ça qui fait de, c'est ça qui fait du sens, et c'est ça qui est logique, hein, et c'est ça qui est logique, et c'est ça qui est établi par la foi, et par la révélation, et par la raison, hein. Et c'est ce qui fait en fait qu'une personne puisse justement être équilibrée dans sa croyance et dans son esprit, dans sa vie. Ensuite, le cheikh, il dit, donc que tu dois être un serviteur, tu dois être un esclave d'Allah. Tu te soumets à ce que Allah te dit dans la croyance. Tu ne vas pas dire, oh non, moi je ne crois pas en ça. Et le pire, j'ai déjà rencontré des gens qui pensent comme ça. J'ai déjà rencontré des gens qui pensent comme ça, qui ont dit, moi je crois juste dans la religion, qu'est-ce qui est en accord avec ma logique? Si c'est pas dans ma logique, si ma logique ne l'accepte pas, je le rejette. Alors ça veut dire, dans ce cas-là, est-ce que tu es un musulman? Est-ce que tu es réellement un croyant dans ce cas-là? Est-ce que tu es vraiment soumis à Allah? Ou bien tu te soumets à toi-même? J'ai dit, si tu es un vrai musulman, tu dois croire en Allah comme Allah il t'ordonne de croire en lui, pas comme toi tu veux croire en lui. C'est pas toi qui dois décider comment Allah est. Hein? Tu veux te faire une image de Dieu à ta passion, à ton idée à toi, à ce que toi tu penses. Mais c'est pas comme ça la réalité, la sincérité. Celui qui est sincère, il se soumet à Allah tel que Allah lui ordonne. Le cheikh il dit wa ahammu shay tamamu al-istislam lillah fi'lan lil-matlub wa tasdiqan bil-khabar wa law aradna an naftah bab al-aql la qala ahaduhum limadha yufrad alayna khams salawat lima lam takun 10 aw 3 aw 2 fi as-sabah wa fi al-masa. فهذه الأمور لا يمكن أن ندركها بالعقل لا يمكن أن يدركها العقل فعلينا أن نسلم حتى نكون مسلمين حقا لله حتى نكون مسلمين لله حقا أسأل الله لي ولكم السلامة. Donc le cheikh il termine ce point là et il dit la plus importante des choses c'est quoi? C'est de se soumettre complètement à Allah, de se soumettre complètement à Allah dans nos actions, qu'est-ce qui est exigé de nous, et de croire complètement à ce que Allah nous donne comme information à propos de la croyance. Et il dit que si on devait ouvrir la porte de la logique, alors quelqu'un pourrait dire dans ce cas-là, mais pourquoi il y a 5 prières par jour? Pourquoi c'est pas 10? Pourquoi c'est pas 3? Hein? Pourquoi c'est pas 2? Une le matin, une le soir, hein? Si on ouvre cette porte, on finira jamais. Hein? Et le cheikh dit donc, ces choses-là ne peuvent pas être comprises par la logique, par la raison. Hein? Il y a des choses dans la religion, il y a des choses, la raison peut accepter, peut comprendre. Et il y a des choses dans la religion, même on peut arriver à les connaître par notre logique. Mais il y a d'autres choses que c'est pas possible. C'est-à-dire que notre logique, elle est limitée. Elle n'est pas absolue. On ne peut pas comprendre tout. Donc, les choses qu'elle est capable de comprendre, alhamdulillah, tant mieux. Mais si elle ne les comprend pas, elle doit quand même se soumettre. Elle doit quand même les prendre et les accepter. Hein? C'est pas une condition. C'est pas une condition que tu puisses le comprendre rationnellement. Donc, tu ne vas pas dire, si je ne le comprends pas rationnellement, je ne l'accepte pas. Non. Si tu le comprends, alhamdoulilah, tant mieux pour toi. Mais si tu ne le comprends pas, tu dis, je me soumets, j'accepte. Hein? Et le cheikh, il dit donc, nous devons nous soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala pour être réellement des musulmans envers Allah et des soumis à Allah. Et on demande, le cheikh, il dit, on demande à Allah pour moi-même et pour vous-même, hein, d'être en salam, c'est-à-dire d'être dans une situation saine et d'être exempté de tout tort, de tout mal et de toute forme d'égarement ou de toutes sortes de choses qui pourraient être mauvaise pour nous dans notre religion ou dans notre dunya. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on va continuer ce cours, inshallah, la semaine prochaine, bi'idhnillah. Donc, c'était le cours 46 aujourd'hui. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين